Chapitre 170. La formule à dire en s'installant sur la monture pour partir en voyage. Allah Ta'ala dit: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Celui qui a créé les couples dans leur totalité et a fait pour vous des vaisseaux et des bestiaux, des montures. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Afin que vous vous installiez sur leur dos et qu'ensuite, après vous y être installés, vous vous rappeliez le bienfait de votre Seigneur et que vous disiez: gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Sourate 43, versets 12 à 14. 972. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, chaque fois que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'installait sur son chameau pour partir en voyage, il disait trois fois: « Allah est le plus grand, Allahu Akbar ». Puis il disait: « Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ». Gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de les dominer. « Wa inna ila rabbina lamunqalibun ». C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Sourate 43, versets 13 et 14. Ô Allah, nous te demandons dans ce voyage la vertu et la piété, et les œuvres que tu agrées. Ô Allah, facilite notre voyage et raccourcis sa distance. Ô Allah, tu es le compagnon dans le voyage et celui qui nous remplace dans nos familles. Ô Allah, je me réfugie auprès de toi contre les difficultés du voyage, contre les mauvais événements au retour et les bouleversements survenus dans les biens, la famille et les enfants. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alayna safarana hadha wa tawwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahib fi as-safar والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر والسوء المنقلب في المال والأهل والولد. De retour, il disait عليه الصلاة والسلام la même chose en ajoutant: nous voici de retour, repentant, adorant et louant notre Seigneur. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. 973. D'après Abdullah ibn Sarjis, lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam partait en voyage, il cherchait refuge auprès d'Allah contre les difficultés du voyage, les bouleversements dramatiques, la déchéance, l'invocation de l'opprimé et les événements affligeants touchant la famille et les biens. Muslim, At-Tirmidhi et An-Nasa'i. 974. Ali ibn Rabi'a a dit: j'étais présent lorsqu'une monture fut apportée à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Au moment de mettre le pied à l'étrier, il dit: au nom d'Allah, bismillah. Lorsqu'il fut installé sur la monture, il récita: gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n'étions pas capables de le dominer. C'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Sourate 43, versets 13 et 14. Puis il dit trois fois: louange à Allah, alhamdulillah. Puis, trois fois encore: Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Avant de conclure en disant: gloire à toi, j'ai été injuste envers moi-même, alors pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Subhanak, inni zalamtu nafsi faghfirli, innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Puis Ali se mit à sourire. On lui demanda: ô chef des croyants, pourquoi souris-tu ainsi? Il répondit: j'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, agir ainsi, puis sourire comme moi. Je lui ai alors demandé la raison de son sourire et il m'a répondu, alayhi salatu wassalam, « Il plaît à ton Seigneur d'entendre son serviteur lui dire « Pardonne-moi mes péchés » tout en étant convaincu que seul Allah peut pardonner les péchés. » Abu Dawud, dont c'est la version, et At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan » ou « Hadith Hassan Sahih » selon d'autres manuscrits.